toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel. 96.2, 96.2. Arc-en-Ciel. On a pu commencer l'émission avec un morceau d'accordéon avec Alain Muchichini. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine aussi, une bonne matinée. Voilà donc, on va être avec vous jusqu'à donc l'après-midi pour les chansons souvenirs. Voilà donc avec des chansons souvenirs dans les années 1900 jusqu'à 1950 avec aussi de l'accordéon puis d'autres musiques différentes. Eh bien on va faire, avant d'écouter d'autres chansons souvenirs, eh bien voici un morceau d'accordéon avec tout simplement Yvette Horner. Son titre, Princesse Accordéon. Carline, et le titre Sarah. Dans la boutique du tailleur, tes vieux parents, tes frères et tes sœurs, nous avons tant de peine au cœur. Sarah, Sarah, reviens vers nous. Mamie ne cesse de pleurer, sa grande enfance, son adorée. Tu fus toujours sa préférée. Sarah, Sarah, reviens vers nous. De quoi avais-tu donc besoin? Chez nous, tu ne manquais de rien. Pourquoi es-tu parti si loin? Ici, quelle vie de tout à coup. Papy commence à être vieux. Il a déjà de mauvais yeux. Te sachant là, il irait mieux. Sarah, Sarah, reviens vers nous. Et dans la boutique du tailleur, tes vieux parents, tes frères et tes sœurs retrouveront l'ancien bonheur. Sarah, Sarah, si tu reviens, tous attablés les soirs d'hiver, lorsqu'un par un mamie nous serre, nous sentons qu'il manque un couvert. Sarah, Sarah, et c'est le tien. On lit tes lettres, la mairie t'a fait un parti magnifique. Alors tes sentiments s'expliquent. Tu veux oublier d'où tu viens. Hélène aura bientôt 20 ans. Elle s'en ira peut-être avant. On ne vit pas pour ses parents. Sarah, Sarah, je le sais bien. Sois donc heureuse et sans regret. Et ne nous oublie pas tout à fait. Tu as la vie dont tu rêvais. Sarah, Sarah, tant pis pour nous. Voici donc le titre, s'appelle tout simplement Rêver dans l'ombre, et c'est Eliane Célis. Rêver dans l'ombre de la nuit, tous les deux cherchant l'oubli, l'oubli des jours si longs, si lourds, ne manquait qu'à notre amour. Deux amants soudains. journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qu'il s'appelle Jean Raphaël, le titre tout simplement Tout Bleu. C'était un amour de légende, tout bleu, et plein de secrets fabuleux. Le cœur chantait dans le vent du soir, le cœur battait de tendresse et d'espoir à l'entour d'un manoir au ciel pour eux. Les étoiles tressaient les guirlandes, tout bleu, c'était un amour Mississippi. Tout le long du Mississippi, nous travaillons le jour et la nuit, sous les yeux sévères de l'homme blanc. Nous faisons un labeur accablant. Nous peinons, nous coltinons de lourds fardeaux sur notre dos. Pauvre noir, fait-on de voir, subit ton sort jusqu'à la mort. Tout le long du Mississippi, nous travaillons le jour et la nuit, il nous faudra toujours travailler jusqu'au jour du jugement dernier. Just keeps rolling, he keeps Voici donc Lucienne Dulle, quand je pense à toi. Quand je pense à toi, aussitôt je vois, je ne sais pourquoi, le balcon fleuri de tu m'as souri. Quand je suis parti, souviens-toi. Depuis ce temps, je voyage et sur toutes les routes, à tout jamais, ton doux visage qu'un rêve effleure demeure. Car le temps qui fuit au vent de l'oubli passera sans bruit, sans rien effacer. Maman, tu le sais, rien ne peut briser le passé. Je me souviendrai de tes yeux jusqu'à mon dernier jour. Maman, mon plus tendre amour. Quand les prés sont verts, quand le ciel est clair, quand le soleil étincelle, quand les blés sont mûrs, l'horizon s'azure, lorsque les fleurs sont plus belles, on entend monter tout à coup la chanson joyeuse du coucou, près du clair ruisseau. Mimi chérie, écoutons cet oiseau. Quand chante le coucou, l'amour est partout. Partout, des gens comme tout. Passons des rossignols vont les fous. Tire-les. Quand on a 16 ans, des rêves ardents, il nous vient des idées folles. Il ne suffit de rien, d'un petit pour rien, pour que la vertu s'envole. Pensez donc une fleur d'oranger, c'est fragile, si vite dérangé, afin d'éviter un jour de fausser. Le coucou, l'amour est partout. Coucou, c'est gentil comme tout. Un ton des rossignols font les fous. Tire-lis, tire-lis. Dans les bois de fruits de charmants coucou, les jeunes filles le soir viennent voir le loup. Quand chante le coucou pour vous comme pour nous. Voici donc M. Baroli avec le petit sourire. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Souvent que pour trouver l'amour, il faut savoir faire de grands discours. C'est une erreur, on peut trouver le bonheur avec des procédés moins compliqués. Un petit sourire par-ci, un petit sourire par-là, et voilà que tout resplendit et que la vie s'emplit de joie. Un petit clin d'œil par-ci, un petit baiser par-là, et voilà que l'amour grandit avant que l'on ait compris pourquoi. Écoutez, autour de vous, on entend jour et nuit des mots doux. J'aime tes jolis yeux, j'aime, c'est merveilleux. Un petit cocktail par-ci, un peu de musique par-là, et l'amour va s'épanouir simplement avec un petit sourire. Petit sourire par là, et voilà comment les ennuis disparaissent à grands pas. Un petit clin d'œil par-ci, un petit baiser par là, et voilà la brouille est finie avant que l'on ait compris pourquoi. On se dit des petits riens, on s'appelle mon petit chou, mon lapin. Dis-moi, oh mon amour, dis-moi, c'est pour toujours. Un petit mensonge par-ci, des tas de baisers par-là, et l'amour veut bien revenir au merveilleux, sans pareil, simplement sans boniment et rien qu'avec un tout petit sourire. Voici donc le titre s'appelle Colombe avec Denis. Était blonde et portait dans les yeux un reflet du ciel bleu. Elle passait comme un joli bouquet et parfumait la brise. Elle avait fait son petit nid d'oiseau près de l'église là-haut. Et les passants murmuraient le matin sur son chemin. Colombe, Colombe, petit oiseau d'amour. Colombe, Colombe, méfie-toi des beaux tours. Colombe, Colombe, lorsque s'estompe le jour. Colombe, Colombe, garde ton cœur toujours. Un beau garçon lui demande à sa main un soir sur le chemin. Elle donna comme on donne une fleur son petit cœur fidèle. Et devant Dieu qui bénit les cœurs purs, ouvrant ses ailes la dure, Elle s'unit à celui qu'elle aimait, à tout jamais. Colombe, Colombe, petit oiseau d'amour. Colombe, Colombe, voici ton plus beau jour. Colombe, Colombe, si les beaux contes sont courts. Colombe, Colombe, je t'aimerai toujours. Mais le bonheur est souvent bien trop court dans les romans d'amour. La mort cruelle un beau soir emporta l'âme de la Colombe. Et maintenant, tristement, l'on peut voir quand soudain tombe le soir, un homme est perdu qui pleure et qui prie seul dans la nuit. Colombe, Colombe, petit oiseau du ciel. Colombe, Colombe, mon cœur est éternel. Colombe, Colombe, la peine inonde mes yeux. Colombe, Colombe, attends-moi dans les cieux. Voici donc Jacqueline Boyer et son titre Rose d'amour. Oh, Voici donc Claudine Copain avec tout simplement Rêver d'un garçon. Et puis juste après, ça sera quelques morceaux de trompette. J'aime à rêver d'un garçon dont le regard en dit long. Il me prend la main doucement et me dit les mots que j'attends. J'aime à rêver de ce jour où dans ses bras pour toujours il m'emportera tendrement. Nous nous aimerons follement. Ce soir il viendra me chercher. Ce bonheur qui vient sera le mien, le mien. La la la la, j'aime à rêver d'un garçon. Je sais glisser sans façon au fond de mon cœur l'autre jour en me murmurant mon amour. Thank you. quelques morceaux de trompette, et bien voici donc Edith Piaf, Légende. Il existe dans les Landes le château des quatre vents. Il a fort belle légende pour les petits et les grands. Il paraît qu'en minuit sonne, on entend dans les couloirs des bruits de pas qui résonnent et des sanglots dans le noir. J'ai voulu savoir la cause de tous ces morts sans repos. On m'a raconté des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Dès que minuit a sonné, le bois se met à craquer. Le vent sanglote au dehors, les chiens hurlent à la mort. Alors parmi tous ces bruits, une plainte monte, monte. Une plainte qui raconte l'histoire d'amour qui suit. Il y avait il y a longtemps que s'aimaient deux amants, ne vivant que pour lui, respirant que pour elle, là dans ce même lit, oh Dieu qu'elle était belle. Mais on ne voulut pas de moi, je n'étais pas le fils d'un roi. On fit tout pour m'éloigner d'elle, jamais n'ai pu revoir ma belle. À la fin d'un beau jour, elle est morte d'amour. Dieu n'a jamais permis de supprimer sa vie. Elle est morte pour moi, moi je suis mort pour elle. Il ne le fallait pas, il ne le fallait pas. C'est en vain que j'appelle, chaque nuit je l'entends pleurer seule dans son éternité. Christine, Christine, je t'aime. Christine, Christine, je t'aime. Mais elle ne m'entend pas et je ne la vois pas. Christine, Christine, Christine. Réelle disparaît aussitôt que l'aube apparaît. Est-ce un rêve ou la réalité? Là, ma légende est terminée. Voici donc Irène de Trévert, le titre Mademoiselle Swing. Thank you. savez-vous tout ce qui compte lundi, mardi et mercredi? Savez-vous ce qu'on raconte jeudi, samedi et vendredi? Savez-vous ce qu'est la vie, des plus grands jusqu'au plus petit? Mardi, dimanche, on aura du bonheur plein les bras. Mardi, dimanche, on fera tout ce qui nous plaira. C'est le jour où chacun sourit, plus d'ennuis, plus de soucis. Et partout c'est vraiment le jour où l'on ne pense qu'à l'amour. Mardi, dimanche, dans les rues on va faire un petit tour. Mardi, dimanche, pour qu'on voie ma belle robe de velours, m'appalant comme de bons époux. Avec les amants, et bras dessus, bras dessous. Que l'on rigole un bon coup. Rapidement, dimanche, pour flâner tout le long des chemins. Rapidement, dimanche, pour glaner des souvenirs pour demain. Sur la Marne, on fera gaiement des détours, des contours, en rêvant que l'on part vraiment pour un voyage au long cours. Rapidement, dimanche, que l'on change un petit peu de décor. Rapidement, dimanche, ce jour-là, je vous le jure, rien du sang. On rira sans que ça coûte un sou, puisque l'on prendra tout par le bon bout. Rapidement, dimanche, que l'on rigole un bon coup. Ciel, découvrez la passion de la musique. Et donc voici Charles Trenet avec moi, j'aime le musical. Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères et le public qui rigole. Quand il voit des petits chiens blancs portant faux col, oh, moi, j'aime tous les samedis. Quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis au troisième rang, pas trop loin, et déjà là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est du bon souvenir. Du muguet qui ne meurt pas, cousine. Ah, comme elle poussait des soupirs. Les jeunes fillettes d'antan, du monde de l'usine, qui sont devenues à présent de vieilles grand-mamans. Ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs, leur musical. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sont restés bien sages sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi et Charles Trenet, il y a aussi

spécial, un amour de la famille. Juste après moi, donc pour le vendredi et le samedi. Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, eh bien vous allez retrouver l'émission de Manuel avec l'émission découverte juste après entre 19h jusqu'à 22h avec Albino, émission Marika. Marika, voilà. Et puis demain sera donc un samedi à partir de 9h jusqu'à midi. Eh bien, vous allez retrouver l'émission de Christine avec l'émission tout simplement Portugal nous corréziens. Mais donc en parlant des émissions portugaises, eh bien voici donc deux chansons portugaises différentes et le premier un petit coucou donc à Florian. Fiz semana, chegou, vamos amor, fiquei sem pensar em nada. Na discoteca ou no bar, vamos poder ir dançar, vem até de madrugada. Fiz semana, chegou, vamos os dois, à noite a nos divertir. A vida só são dois dias, este fim de semana, vou estar junto de ti. Segunda vou trabalhar, na terça faço o jantar e mudo a roupa da cama. Nem tenho tempo para ti, eu só me sinto feliz quando é o fim de semana. Na quarta venho dançar, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me dá-me mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou, por isso vamos amor, curtir sem pensar em nada. Na discoteca ou no bar, vamos beber e dançar, vem até de madrugada. Fim de semana chegou, por isso vamos os dois, da noite a nos divertir. Este fim de semana vou estar junto de ti. Segunda vou trabalhar, na terça volto a arrumar, tudo parece um castigo. Sempre que eu fico pior, eu digo para ti amor, estou louca para estar contigo. Na quarta venho cansado, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me corre mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou, por isso vamos amor, curtir sem pensar em nada. Na discoteca ou no bar, vamos beber e dançar, vem até de madrugada. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, d'Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Il s'appelle Philippe Clay avec la quarantaine. Il n'avait pas découvert son vaccin à 63 ans. L'avion de Clément à l'air n'aurait jamais quitté la Terre. Il avait presque 50 ans. Si l'on l'avait mis en quarantaine, les hommes de 40 ans passés, l'automobile de Monsieur Daimler serait encore à inventer. Si l'on l'avait mis en quarantaine, tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse. Et pourtant, Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps. Un an plus tard, c'était trop tard. Voltaire et Rousseau, ainsi que Marx, seraient illustres inconnus. Si l'on l'avait mis en quarantaine, les hommes de 40 ans et plus. Aujourd'hui l'on met en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Demandons chez le cadre en moyenne de 25 à 35 ans. Mais avec une bonne expérience et de la personnalité, de l'ambition, des références à venir assurer, assurer pour quelques années. Puisqu'il ne seront en quarantaine, qu'à 40 ans et pas avant. Ils auront le temps de prospecter pour ne pas se retrouver sur le pavé. Nous, on avait été pris en quarantaine, tous les hommes de 40 ans. Sous prétexte que la vie moderne vous fait un homme de 17 ans. Souvenez-vous, à 43 ans, un certain John F. Kennedy était un tout jeune président. Alors, à mon avis, il faudrait leur laisser le temps. Ils ont encore du sang dans les veines qui vous le donnent lui après. Vous pourrez nous mettre en quarantaine, vous n'aurez rien à regretter. Voici donc, elle s'appelle tout simplement, eh bien, Linda Gloria, le titre « Quand je danse dans tes bras ». Quand je danse, danse, danse dans tes bras, ça me met le cœur en fête. Je ne pense, pense, pense plus qu'à toi, au point d'en perdre la tête. Quand tu tournes, je me courbe sous tes doigts, dans une harmonie complète. Et moi-même, je m'enchaîne sans combattant, je suis sûre à chaque pas de ma défaite. C'est l'heure où l'on se voit mieux, dès que l'on ferme les yeux. Sous ton étreinte, nulle crainte ne m'étreint. C'est qu'à l'oreille tout bas, tu me dis des mots à toi, des mots si chauds qui pénètrent au plus profond de mon être. C'est l'instant dont tu profites pour poser plein d'assurance sur mes lèvres, un doux baiser. Dans tes bras, ça me met le cœur en fête. Je ne pense, pense, pense plus qu'à toi, au point d'en perdre la tête. Quand tu tournes, je me courbe sous tes doigts, dans une harmonie complète. Et moi-même, je m'enchaîne sans combattant, je suis sûre à chaque pas de ma défaite. Comme il fait bon découvrir qu'on a le même désir. Fait bon se comprendre sans attendre d'en rougir. Pour mieux prouver notre accord, tu m'enlaces un peu plus fort. C'est la minute suprême où tu sais dire je t'aime. Quand la danse recommence à l'infini, entre tes bras je veux danser toute la vie. Entre tes bras je veux danser toute la vie. Entre tes bras je veux danser toute la vie. Voici donc Catherine Metz avec tout simplement Moi j'aime ça. De l'amour dans tes yeux, du soleil dans tes cheveux, du printemps dans ta voix. Moi j'aime ça, j'aime ça. Il y a de l'amour dans tes yeux, du soleil dans tes cheveux, du printemps dans ta voix, et moi j'aime ça. Tu me serres fort dans tes bras, je suis bien contre toi, mais si je pense à ton cœur, ça me fait peur. Les fleurs, les oiseaux, moi j'aime ça. Un air, une chanson, moi j'aime ça. Pourtant, il y a quelque chose de plus beau. C'est toi, toi et moi. Il y a de l'amour dans tes yeux, tes bras. Je suis bien contre toi, mais quand je pense à ton cœur, parfois je pleure. Ne dis rien, non, tais-toi, car moi, j'aime ça. J'aime ça. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2. 96.2. Arc-en-Ciel. Voici donc les compagnons de la chanson et le titre Le cœur en fête. Le jour se lève, déjà le soleil chasse les rêves, enfants du sommeil. Sur la grande place, on entend marcher tous ceux qui font leur marché. Les gens se pressent, comptant au comptoir. Les garçons versent vin blanc, café noir. Et dans sa chambre, Marie qui dormait yeux étonnés. Le cœur en fête, le cœur plein de joie. Le cœur en fête, je vis près de toi. J'ai dans la tête la nuit et le jour, la chanson de notre amour. Tout simplement la colline de l'oiseau et c'est un petit coup à un moment avec Patrice et Mario. Par les monts et les plaines traînant mes souliers, je chante fontaine le long des sentiers. Je vais boire aux fontaines, je dors dans les blés, beaucoup mieux que le prince dans son lit brodé. Qu'il fait bon sur ma colline dormir tout là-haut sur ma colline, la colline aux oiseaux. La la la, on fait des rêves si beaux. Là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. La la la la la la la la la la. Bien des peines fait fuir le métier, car son pain fontaine il faut le gagner. Et je veux pierre à pierre tout là-haut perché me bâtir la chaumière dont j'ai tant rêvé. Il fait bon sur ma colline, chantez-nous là-haut. Là-haut sur ma colline, la colline aux oiseaux. La la la, il fait bon vivre parmi les troupeaux. Là-haut sur la colline, colline aux oiseaux. Lorsque ma maisonnette sera terminée, je sais bien, Totaine, ce que je ferai. J'irai voir ma brunette et tout bas lui dirai, voici notre domaine pour l'éternité. Qu'il fait bon sur ma colline dormir tout là-haut. Là-haut sur ma colline, la colline aux oiseaux. La la la, j'attends ma belle qui viendra bientôt. Là-haut sur ma tranquille colline aux oiseaux. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Souvenir, et c'est Tonia. Souvenir si charmant, les histoires de ma grand-maman, sa voix douce et ses yeux gris. Sourire de velours est si tendre. Souvenir si charmant, cicatrices. Ces images restent toujours dans mon cœur. Près d'elle, on s'attarde, assise dans un coin. Elle s'appelle Christine Lise avec son titre Mon rêve. Et puis juste après elle, on écoutera deux chansons de Crooner. Des soirs si doux, mon rêve ne peut être que vous. C'est votre regard qui donne à mes nuits tout l'éclat des jours. C'est votre voix qui fait du silence un poème. Poème dont le thème redit toujours. Je t'aime, mon rêve n'est qu'un rêve d'amour. Je t'aime, mon rêve n'est qu'un rêve d'amour. Bleu. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Snow is falling, falling on the cold, cold ground. Snow is falling, baby, falling on the cold, cold ground. Gloom and misery, gloom and misery all around. I used to be so happy. Oh, Elle s'appelle Victoria Marino et son titre s'appelle Rosa Maria. La nuit de Naples étend son léger voile, le ciel allume sa première étoile. Où es-tu, Rosa Marie? Que fais-tu, Rosa Marie? Le vent du large apporte une musique qui sait parler sur un air nostalgique de l'amour, de regret. Si tu l'entendais, tu reviendrais. Rosa Marie, Rosa Marie, toi la plus jolie des brunes filles de Napoli. Écoute-moi, ne laisse pas l'amour qui chante, qui se tourmente loin de tes bras. Rosa Marie, c'est ton ami qui ne veut pas croire que votre histoire soit finie. Car sans toi, belle infidèle, pour ton amant, c'est la nuit. Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie. Mais un beau jour, voilà que tout s'éclaire. On sent que le soleil voudrait te plaire. Pour fêter Rosa Marie, ton retour, Rosa Marie. Les fleurs ont mis leurs vagues de dentelle. La rose amie du rosa, c'est Joufrelle. Et le vent du matin danse avec les branches du jasmin. Rosa Marie, Rosa Marie, toi la plus jolie des brunes filles de Napoli. Te revoilà, tu vois déjà, les fleurs sont contentes, le printemps chante dans les lilas. Rosa Marie, c'est ton ami qui t'ouvre la porte et qui t'emporte vers la vie. Avec toi, tout danse et chante, tout s'éclaire et resplendit. Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie. Rosa Marie, c'est ton ami qui t'ouvre la porte et qui t'emporte vers la vie. Avec toi, tout danse et chante, tout s'éclaire et resplendit. Rosa Marie, Rosa Marie, Rosa Marie. Lynn Renaud chante la joie. Jérémy, c'est mon vieux copain. Il chante du soir au matin. Si je ne comprends pas les mots de sa chanson, je sais que je les aime. Je sais que je les aime bien, car je chante la joie, oui. Chante avec moi, oui. Chante la vie, le soleil, l'amour, oui, chante, chante toujours. Si j'étais reine de l'univers, c'est tout ce que je ferais. J'effacerais les fusils et les guerres en semant bonheur sur la terre, oui, en semant le bonheur sur la terre. Car je chante la joie, oui. Chante avec moi, oui. Chante la vie, le soleil, l'amour, oui, chante, chante toujours. Le soleil nous donne sa chaleur, la mer nous fait rêver. Un beau jardin est habillé de fleurs, et tous les gens sont faits pour s'aimer.

lançait la balle, il lançait son cheval au grand galop. Quand le soleil était brutal, il n'avait plus une goutte d'eau. Dans le whisky, dans certains balles, on plaçait le café chaud, je l'étais rond comme son chapeau. Mais quand il jouait sur son banjo, il devenait le plus grand, le plus beau. Tous les cow-boys près du rancho beuglaient plus fort que le bourreau, beuglaient plus fort que le bourreau. O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly, vive la chanson du vieux Joey, vive la chanson du vieux Joey. Pour le samedi, pour le dimanche, donc à partir de samedi, donc à partir de 14h jusqu'à 16h avec Carla, et puis juste après entre 16h jusqu'à 18h avec Julien et Louis avec l'émission Notre Famanka. Pour le dimanche, dimanche matin, donc à partir de 8h jusqu'à 10h avec l'émission Cantal Dougalo avec Antonio et Mathieu, et puis suivi tout simplement de 10h à 12h30 avec le téléphone sonne, tout simplement Katia, Léel et Jérôme. Donc c'est à vous de faire l'émission, les chansons que vous voulez écouter. Et donc pour le lundi matin à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, le réveil c'est bien, et puis avec la suite de l'émission vers matin avec Jean-Pierre entre 9h jusqu'à midi. Voilà donc eh bien les programmes. N'importe d'où tu viens et de n'importe quel continent, nous sommes tous invités sur terre, nous ne sommes pas si différents, il suffit simplement d'y croire, de se parler, de le vouloir, aucun jour, enfin que renaisse un autre monde sans nos faiblesses. Chaque richesse de nos coutumes, ce monde, il suffit de fraternité pour que le soleil enfin inonde de ses rayons vers cette amitié. Il suffit parfois de presque rien et peut-être une main tendue à prendre de l'autre. Et oui, moi j'ose savoir que le temps n'est pas perdu. Doucement mon cœur, ne t'emballe pas, c'est pas la peine. Tu sais très bien qu'il n'est plus là pour t'écouter. Il n'est plus là pour donner vie. Yvette Gilbert. Poème, celui que j'aime s'en est allé. Doucement mon cœur, ne fais pas le fou, c'est inutile. Ils sont finis, et bien finis les jours heureux où le bonheur chantait pour nous, simple et facile. Reste tranquille, ça vaudra mieux. Tu t'agites, tu frissonnes comme un pauvre enfant fiévreux qui soupire et qui s'étonne d'être malheureux. Doucement mon cœur, n'y pense plus, tourne la page. Il ne faut plus te tourmenter, tu oublieras. Repose-toi et ne joue plus les ours en cage. Reste bien sage, tout s'arrangera. Doucement, doucement, mon petit cœur, tout feu, tout flamme. Ne te bats plus, laisse où ils sont les souvenirs. Voici le soir, voici la nuit que tu réclames. Voici le calme pour t'endormir doucement. Repose-toi. Et voilà, c'est fini. Il s'appelle Yves Montand, une chantée. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. C'était un grand gars très fort, plein d'insouciance, car le moindre petit effort le mettait en transe. Il n'aimait pas travailler, il n'aimait pas se creuser, il aimait se coucher dans le coin et fredonner sans fin. Il chantait toujours la la la la, tout le long du jour, la la la la, des chansons d'amour, la la la la, des chansons sans rime ni raison, même quand il avait beaucoup d'ennuis, même quand le dimanche tombait la pluie. Sans savoir pourquoi, machinalement, il chantait la la la la tout le temps. Mais un jour il rencontra une belle blonde, aussitôt il l'adora plus que tout au monde. En la serrant dans ses bras, il lui dit la la la la la la la. Le soir même il l'épousa, et depuis ce temps-là, il chantait toujours la la la la, tout le long du jour, la la la la, des chansons d'amour, la la la la, des chansons sans rime ni raison. Mon histoire est simple, comme vous voyez, pas besoin de drame pour s'adorer, et ils vivent heureux, tout simplement, en chantant la la la la, marrant. Je me souviens très bien du petit bal de la marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petites cousines. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait tard, on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait à la marine. Puis au bord de la Seine, on emmenait nos petites cousines. C'était notre week-end en plein cœur de Paris. On se disait je t'aime, c'était pour la vie, mais c'était pour l'amour quand même. Puis le temps a passé sur nos jeunes années et tout a bien changé. Les petits bals des rues, les petits bals perdus ne se fréquentent plus. La guitare électrique a fait pleurer Margot. C'est une autre musique, sur un autre tempo. Mais sûr qu'il n'est pas mort, le petit bal de la marine, et qu'il existe encore une jolie petite rouquine. Bien sûr c'est plus la même, mais comme tout recommence, fais la danse et quand même à la fin de la danse, elle te dira merci, monsieur. Mais elles sont toutes comme ça au petit bal de la marine. Elles préfèrent leurs petits gars, elles marchent pas dans nos combines. Elles n'ont que 17 ans et pas beaucoup d'argent, elles ont le cœur tout neuf et tu rentreras veuf, mais c'est toujours comme ça à la marine. Mais tant qu'il y aura des petits bals de la marine, avec des petits gars pour les jolies petites rouquines, je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans les rues et qui revient toujours à la marine. Sont-ils donc tous ces pays dont on nous parle dans les chansons. Ils sont ailleurs, bien loin d'ici. Nuit tropicale, clairs horizons, soleil de feu sur la mer rouge, palmier géant de l'Hindouston, technicolore, mon cœur qui bouge voudrait connaître tous tes printemps. Toute la semaine je vis au fond de mon quartier, je n'y vois qu'un mur, je n'en vois même la moitié. Et au fond là-bas sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour quitter tout ça, voguer vers ce que je ne connais pas. Où sont-ils donc, tous ces palais, tous ces trésors brillant la nuit, ces beaux garçons dans les forêts qui tuent des lions et mangent des fruits, qui se suspendent à toutes les lianes et qui vous prennent au creux de leurs bras? Où sont-ils donc, dites ma sœur Anne, tous ces pays de cinéma? Où sont-ils donc, ces pays-là? Ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi je sais qu'ils sont de faux pays dans des chansons. Voici donc Lucienne Boyer avec Si Petite. Je suis venue un beau jour dans ta vie, tout simplement. Tu fis naître en mon âme ravive l'enchantement. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte, sans murmurer. Et je ne puis toujours, sous ton étreinte, que t'adorer. Je me sens dans tes bras si petite, si petite, auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur bat trop vite, le briser entre tes doigts. Quand tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement, je me fais dans tes bras si petite. Si petite, oh mon amant, j'ai beau savoir mon trésor que tu m'aimes de tout ton cœur, il est des fois où je doute quand même, où j'ai bien peur. Je crois hélas que notre amour t'emporte et sans tarder, je te dis tout bas, serais-je assez forte pour te garder? Je me sens dans tes bras si petite, si petite, auprès de toi, que tu peux, quand mon cœur battre vite, le briser entre tes doigts. Tu vois qu'une peine m'agite, tu me berces doucement, je me fais dans tes bras si petite, si petite. Voici donc un morceau de trompette juste après la guitare Java. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Bye. Un titre s'appelle tout simplement Provence Bou. Un oiseau traverse la place, un piano se plaint au lointain, les mannequins derrière les glaces me regardent avec leurs yeux éteints. Les passants et leurs amours mortes disparaissent dans tous les chemins. La province boucle ses portes et s'enferme jusqu'à demain. Moi, je suis seul en ce monde où je m'ennuie. Un chien hurle, oh mon Dieu, que tout est gris. Voilà donc cette chanson qu'on va se quitter. Donc il est 15h56. Voilà donc, et bien on va se retrouver prochainement. Et j'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec les chansons souvenirs. On va se retrouver prochainement. Voilà donc, et bien je vais te passer une bonne fin d'après-midi. Et donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Va l'amour qui revient. La province dort sous la lune. Le soir tombe, la nuit gémit. Les fenêtres déjà s'allument. Et là-bas, bat le cœur de Paris. Que es mi persona, cuánta la tus amores bien de mi vida, coronala de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita. A donde vivo yo, ay chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Que nos casemos, válgame Dios.